jamais si cruel. Reviens-moi, reviens-moi. Le monde est rien sans toi pour me reprendre les bras. Ma vie n'a plus le moindre but ici-bas. Ce bout de verre, je crois, tu vois, me sauvera. Le ciel est d'un bleu pâle aujourd'hui. Mes yeux sont d'un rouge sale et meurtri. Ma voix ne sonnera plus, notre amour. Mes je t'aime sont perdus pour toujours. Laisse-moi, laisse-moi. Le monde n'a plus de quoi me tenir bien droit. Et ma vie ne sera plus un poids pour toi. Ce bouton stop là-bas, tu vois, elle te sauvera. Mais je pars.